Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Cette semaine, les esclaves. Même si on se pose des questions en fait sur l'humanité de l'esclave, son statut juridique ne change pas. C'est une chose, c'est un bien. Du muet au lix, une révolte en ligne pointillée. Il y a eu deux grandes guerres serviles avant celle de Spartacus. Elles ont eu lieu toutes les deux en Sicile. Et toutes les deux étaient menées finalement dans un contexte assez religieux. Dans le mouvement de Spartacus, il y a des libres qui rejoignent. Donc on est dans un autre phénomène. Nous avons vécu et nous avons enduré tant de caprices de nos maîtres depuis trop longtemps. Tuez les Romains ! Tuez les tous ! On a beaucoup projeté de fantasmes là-dessus, d'un Spartacus révolutionnaire, d'un Spartacus abolitionniste de l'esclavage. Il n'y a rien de tout ça. Un péplum est un film dont l'action se déroule durant l'Antiquité, du 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec l'apparition de l'écriture, à 476, avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Le péplum est un genre cinématographique presque aussi vieux que le cinéma, mais il ne sera appelé ainsi qu'à partir de la fin des années 50. Il était classé auparavant dans la catégorie des films d'aventure exotique. Mais si le genre fut baptisé tardivement, il n'en fut pas moins prolifique puisqu'on dénombre actuellement plusieurs centaines de péplums. Le plus ancien remonte à 1896 et ne dure qu'une minute. Il s'agit de Néron essayant des poisons sur des esclaves, réalisé par Georges Attot et produit par les Frères Lumière, pionniers lyonnais du cinématographe. L'Italie va devenir avec Cabiria, super production de 4 heures, avec éléphants et décors en dur et non plus en papier peint, la patrie du péplum. Les éloges même fort approximatifs de l'Antiquité flattant les égaux du moment. L'engouement pour le péplum traverse rapidement l'Atlantique. Dès les années 1910, les États-Unis vont se mettre à produire des péplums traitant essentiellement de l'Antiquité romaine et de sujets bibliques. Aujourd'hui, le péplum, grandeur et décadence, est le premier volet de notre nouvelle série. Claude-Michel Cluny, critique littéraire et critique de cinéma. Le péplum est né pratiquement avec le cinéma, il ne faut pas l'oublier. Et le cinéma lui-même est né de quoi ? Il est né du spectacle forain. Ce qui fait peut-être l'attrait du péplum, quand on veut bien le regarder, indépendamment d'abord de tout regard critique, au fond, c'est peut-être ça, c'est l'héritage de quelque chose qui était en train de se faire à partir des oripeaux du théâtre du pauvre, à partir de décors qui vacillaient, à partir d'acteurs qui étaient à la limite du professionnalisme souvent, à partir d'histoires qui étaient elles aussi à la limite de la crédibilité, encore que elles s'inspiraient plutôt de loin que de près de l'histoire tout court. Tout ça joue pour l'imaginaire. C'est un apport extravagant, extraordinaire, très riche, à la fois ridicule et émouvant aussi par la naïveté des choses. Jean Gilles, critique cinématographique et historien du cinéma. Je pense à une affiche où l'on voit un de ces hommes forts écarter avec ses bras deux espèces de planches qui tendent à se refermer sur lui et qui sont hérissées de clous. Donc il a été condamné à être en quelque sorte tué par l'écrasement entre ces deux planches couvertes de pointes acérées et lui par la seule force de ses muscles passant la main entre, heureusement ces pointes elles sont pas jointives, passant sa main entre, il réussit à écarter la menace qui pèse sur lui. Donc il y a tout un catalogue, les femmes fatales, les pauvres héroïnes entre les griffes des lions ou attachées sur le dos des taureaux, hein, les images de vierges qu'il faut sauver. Alors en même temps, on voit aussi, mais ça alors c'est présent très tôt dans on peut dire que c'est un élément qui est présent dès le premier péplum, c'est-à-dire que le péplum a permis par exemple les premiers nus. Les premiers seins nus que l'on voit dans le cinéma italien dès les années 10, on les voit dans les péplums, à l'occasion des orgies. quoi. Alors évidemment, la censure qui pourrait être alertée par ce genre de choses, car dans un pays comme l'Italie, elle est très attentive. Pourquoi elle laisse passer ? Elle laisse passer parce que les histoires seront morales et aboutiront à la punition des gens qui se sont laissés ainsi emporter par les délices des sens. Donc il faut bien, si l'on veut montrer l'exercice d'une justice divine ou d'une justice immanente, il faut bien représenter les turpitudes pour que soit justifié le châtiment. La Rome qui est représentée, c'est pas la Rome républicaine qui passe pour une époque de mœurs austères, mais c'est la Rome impériale, et même, si vous voulez, la Rome du Bas-Empire, c'est-à-dire à l'époque de la dissolution des mœurs, et pas dans la Rome des pères fondateurs, qui était la Rome républicaine. Les guerres n'ont pas épargné Rome, surtout du temps des Germains. Ils y sont déjà venus ? Plusieurs fois. Ils firent serment d'allégeance à Attila. Il les fit marcher sur Rome. Un souvenir, mon père. Merci. Puis Alaric le Goth, Janseric le Vandale, qui étaient Teutons. Tous croyaient que la prime le droit. Et ils détruisirent Rome. Et pourquoi ? Qu'est-ce que Rome a donc ? Ce à quoi chacun aspire, l'immortalité. Regardez vite, à travers les nuages. Ce doit être la voie Pienne. Sur ces pierres vétustes, ils emmenèrent l'apôtre Paul pour être jugé devant Néron. La reine Zénobie marchait couverte de chaînes d'or devant le char de César. Dieu, quel boulevard! L'entrepreneur a dû faire fortune avec ses pavés. Et ils ont bien résisté lorsque les éléphants d'Hannibal ont fait leur marche sur Rome. Les éléphants? Ah, c'est pas bête. Les tanks d'alors? On approche de l'objectif, chef. Le but est droit devant nous. Très bien. J'amorce la descente. Hé, chef! Dites au père qu'on est sur Rome. Le but de notre mission. Rome. Il y a certains péplums qui relèvent plutôt de l'héroïque fantasy, c'est-à-dire c'est un décor. Il y a des héros qui se battent, qui vivent là-dedans, qui vivent toutes sortes d'événements. On ne tient pas compte des mentalités de l'Antiquité. Michel Éloi, historien du cinéma. Puis alors, il y a les péplums humoristiques, comiques, comme les week-ends de Néron, ou Hockey Néron, ou ces films-là, où les personnages vivent des aventures absolument anachroniques, dans une antiquité décor. Et puis enfin, il y a les péplums qui essaient de reconstituer un aspect de l'histoire ancienne, comme la bataille des Thermopyles, qui est un film fort bien fait, mais comme le Jules César de Mankiewicz, comme les antagonistes avec Peter O'Toole, qui raconte le siège de Masada par les légions romaines. Tous ces films-là essayent d'adhérer autant que possible, sans être ennuyeux, essayent d'adhérer à ce que nous savons de l'Antiquité et à un moment de l'histoire. Salut, roi Léotikides. Salut, roi Léonidas. Salut, mes amis. J'apporte une grande nouvelle. Sparte a été choisie pour commander aux cités grecques dans la guerre contre les Perses, tant sur terre que sur mer. Athènes a cédé le commandement suprême naval à nous, Spartiates. Ah, c'est au conseil à décider ce que Sparte doit faire. Oui, certes. Mais le conseil doit se hâter d'agir. Pourquoi ? Pour que les soldats spartiates puissent atteindre à temps les premières lignes de défense. Et où se trouvent-elles ? Au défilé des Thermopyles. Aux Thermopyles, bien sûr, c'est le passage qui protège Athènes. Non, c'est le passage qui protège la Grèce. Peu importe les cités, seules compte la Grèce. Et seule l'unité nous permettra de combattre l'esclavage. Le péplum a eu la malédiction d'être un genre populaire, commercial, qui s'appuyait au départ sur un matériau intellectuel. Gérard Legrand, essayiste et critique de cinéma. Et quand je dis un matériau intellectuel, il faut bien comprendre que les Italiens, même, disons, peu cultivés, avaient de l'Antiquité, par tradition, une connaissance très supérieure, par exemple, à celle du public français qui recevait le péplum ici et qui avait tendance, en général, à le prendre comme une sorte de parodie presque dès le départ. Le fait est que c'est un genre qui n'a pas eu tant de succès que ça ici. C'est dans l'imagination des cinéphiles des générations suivantes qu'il en a eu. Mais je me rappelle très bien que les très brèves exclusivités que faisait même des films de metteurs en scène connus, enfin un peu connus, comme Vittorio Cotafavi, qui passait 15 jours en solivité et qui disparaissait définitivement de la circulation, ceci dans les années 60, au début des années 60. Donc c'est l'idée de contemplation de ruines, mais avec tout ce que ça peut représenter de distance et en même temps de familiarité dans l'esprit d'un Italien. Jean Gilly. Lorsque les premiers films se font vers les années 1907-08, et le succès sera tel que le développement sera rapide, l'Italie est un pays d'unification très récente, qui a à peine une trentaine d'années d'existence. Et donc c'est un peu un pays qui a un passé multiple, mais qui n'a pas d'histoire nationale. Et dans le fond, le seul passé qui peut constituer un des supports à l'édition d'une identité collective autour d'un passé qui soit commun à l'ensemble des Italiens du Nord au Sud, finalement, ce passé, c'est celui de l'Antiquité romaine. C'est pas celui du Moyen-Âge, qui était déjà celui des villes et des seigneuries séparées. C'est pas celui ni de la Renaissance, ni de l'époque moderne et contemporaine. Donc c'est quelque chose qu'il faut aller chercher plus loin. Et peut-être que le succès de ces films, faudrait réfléchir au problème du succès de ces films, peut-être qu'il est recherché dans cette direction, c'est-à-dire l'idée que peut-être ces films exaltaient ou donnaient une représentation d'une antiquité, mais qui n'était pas tellement perçue comme une antiquité au sens étymologique du terme, mais au contraire comme quelque chose qui finalement était encore assez vivant. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que l'Italie est un pays dans lequel les traces de cette antiquité sont présentes. De nombreuses villes italiennes sont de fondation romaine et ont des traces sous forme de monuments, sous forme d'amphithéâtres, sous forme de théâtres antiques, sous forme de temples. Donc il y a là un fond commun peut-être de la mémoire collective que le cinéma d'une certaine manière a facilement réactivé et le cinéma a peut-être pu facilement trouver son public dans la représentation justement de ce passé. C'est ça qui est intéressant. Si on prend Cabiria, qui peut-être c'est le premier, enfin disons les deux grands films qui ont définitivement installé le genre et qui lui ont en quelque sorte donné ses lettres de noblesse, ces deux films qui se suivent l'un derrière l'autre, réalisés d'ailleurs par les deux metteurs en scène les plus intéressants de la période muette italienne, c'est Guazzoni et Pastrone. 1913, c'est Covadis, thème qui sera repris un grand nombre de fois, et 1914, c'est Cabiria. Dans les deux cas, il y a un très grand souci de donner une représentation qui soit appuyée sur des éléments de référence authentiques. On sait que, par exemple, Pastrone avait visité très attentivement une exposition consacrée à l'art étrusque et à l'art phénicien pour se documenter, pour faire en sorte que la représentation qu'il donnerait de Carthage soit pas une représentation totalement fantaisiste. C'est-à-dire ces films ne sont pas des spectacles comme fin en soi, comme lieu du pur divertissement. Ils sont aussi le lieu du divertissement, mais ils ne sont pas que ça. Donc il y a d'emblée la volonté de ne pas se servir du péplum, et c'est aussi à mettre en rapport avec finalement la fonction, je dirais quasi politique de ce cinéma, qui est la définition d'un certain nationalisme qui conduira à l'entrée de l'Italie en guerre en 1915 et qui finalement sera un des éléments idéologiques qui porteront indirectement au fascisme. Donc il y a à la fois le souci fort habile de la part des producteurs et des cinéastes de faire un film qui soit éminemment spectaculaire et qui puisse plaire pour ces raisons-là, mais qui soit en même temps un film qui ne naît pas d'une imagination débridée et qui s'appuie sur une information, aussi bien dans l'iconographie des décors, des costumes, dans la mise en place des scènes, qui s'appuie sur une information ayant un minimum de rigueur. Matiste, le surhomme au cœur généreux, à la force herculéenne, que les tyrans redoutent, que les opprimés vénèrent, est désormais le héros d'une passionnante légende. Je dois sauver cette femme. C'est une entreprise trop difficile, même pour toi. Renonce. Retourne au monde des vivants, il n'est pas trop tard. Non, je ne puis relancer. J'abattrai la sorcière. Dans ce film, on retrouve le souffle épique des légendes grecques. L'extraordinaire mise en scène, la somptuosité des couleurs en font un spectacle inoubliable. Pavia ! À l'aide ! Ah ! À l'aide ! Attention ! femme assiste. Tous tes efforts seront vains. Tu as réussi à tuer un vautour, mais un autre déjà est revenu sur moi. D'autres rapaces viendront et dévoreront mon corps, car je suis damné pour l'éternité. Le massiste, qui est le personnage de l'homme fort dans Cabiria, avait une typologie physique qui annonçait Mussolini. Alors ça, c'est un peu caricatural et c'est un petit peu excessif que de voir dans Mussolini une espèce d'héritier de massiste, c'est-à-dire d'homme providentiel qui résout tous les problèmes. Massiste les résolvait à coups de poing et à coups de pied. Mussolini, d'une certaine façon, aurait résolu les problèmes de l'Italie de la même manière aussi dynamique et expéditive. Donc là, il y a un côté un petit peu caricatural et en tout cas réducteur et simplificateur. Par contre, dire que le péplum, en magnifiant une idée de la grandeur passée de l'Italie, une grandeur perçue comme quelque chose qu'il faudrait essayer de reconquérir. Et le fascisme va s'appuyer sur cette idée de la restauration d'une grandeur passée. Incontestablement, le péplum et le succès du péplum auprès du public italien montrent que l'on a affaire à une société qui est dans l'attente de quelque chose et que dans le fond, elle offre un terrain assez propice à une forme d'aventurisme politique comme le sera le fascisme. Gérard Legrand, essayiste et critique de cinéma. Alors là, on est en face d'un phénomène qui a été très longtemps masqué par une simplification de l'histoire, et heureusement les historiens actuels ont réagi contre cela. On s'est imaginé que parce qu'il y avait eu un machiste mussolinien, un film, à la fin de la série, où il a des attitudes colonialistes, en tout cas, sinon à proprement parler fasciste, on s'est imaginé que le péplum avait été cultivé par le régime de Mussolini. Or, on sait, simplement, il suffit de feuilleter les annuaires, il y a peut-être 10 films, pendant le fameux Ventennio, n'est-ce pas ? Il y a peut-être 10 films qui, de près ou de loin, touchent à l'idéologie fasciste et qu'on puisse appeler des péplums. Et il y a eu, pendant cette période, non pas continuité du péplum, mais au contraire, arrêt. Histoire vivante, cette semaine, les esclaves. Aujourd'hui, péplum, grandeur et décadence. Réalisé en 1914, Cabiria ne peut en aucun cas être considéré comme un film de propagande ou un film militant. Cependant, son sujet l'inscrit dans une quête du passé glorieux et édifiant, celui de la République romaine qui impose progressivement son pouvoir au-delà de ses marges. En 1914, l'Italie est une nation récente dont la stabilité n'est pas assurée et à laquelle le déclenchement d'une guerre impose une réflexion sur la puissance intrinsèque de son armée. Cabiria est l'un des premiers films à utiliser le retour aux racines héroïques en miroir avec l'époque contemporaine, même si ce n'est pas intentionnel. Le film sort en Italie à la veille de la guerre. Il sort à Paris d'ailleurs en pleine guerre, le 25 novembre 1915. Il raconte la deuxième guerre punique en 4 heures de narration serrée et d'ellipses évocatrices. Cabiria est une jeune grecque rescapée de l'éruption de l'Etna qui a détruit la ville de Catane. Elle est enlevée avec sa nourrice par des pirates carthaginois qui la vendent à un grand prêtre afin d'être sacrifiée sur l'autel du dieu Moloch. La nourrice parvient à prévenir un jeune patricien romain qui envoie le géant noir, Massiste, délivrer Cabiria. Ces lignes sont extraites de Films et histoires de Jérôme Bimbenet aux éditions Armand Collin. Jean Gilly, critique cinématographique et historien du cinéma. Je crois que d'abord, il ne faut pas trop attribuer ou accentuer le rôle de D'Annunzio dans ce scénario, encore que, parce qu'en fait, il ne l'a pas écrit, on sait que le scénario était prêt et qu'on lui a fait signer, moyennant un contrat substantiel. D'Annunzio avait même dit, enfin, quelquefois, un attribut aux gens des phrases qu'ils n'ont jamais prononcées, mais il aurait dit qu'il participait au cinéma pour donner de la viande à ses chiens. Bon, ce qui voulait bien indiquer qu'il avait le plus grand mépris pour ce qui n'était peut-être pas encore le septième art. Bon, cela dit, l'argent fait faire beaucoup de choses. Mais si D'Annunzio n'hésite pas à signer page par page, car pour authentifier l'origine du scénario, on lui a demandé de le signer à toutes les pages, de paraffer entièrement le scénario, page par page. Bon, donc D'Annunzio le fait, quoi. Mais s'il le fait, c'est parce que finalement, dans cette histoire d'une expédition des Italiens à Carthage, enfin des Romains à Carthage, pour essayer de récupérer une petite fille qui a été enlevée par les Carthaginois, il y avait cette volonté de puissance, cet esprit aventureux qui caractérise l'Annunzio. Donc finalement, même si le scénario n'est pas de lui, si on lui avait demandé de le signer, c'est parce qu'on savait bien que ce scénario n'était pas à contre-courant de ses idées et qu'il y avait dans Cabiria un nationalisme qui pouvait que plaire à D'Annunzio et que celui-ci mettra en œuvre dans l'expédition de Fiume en 1919, où il partira seul, entouré d'un groupe de mercenaires, à la conquête de la petite ville de Fiume et dans la région à l'est de Trieste, enfin dans l'Istrie actuelle. Gérard Legrand, essayiste et critique de cinéma. Il y avait deux éléments qui gênaient le mussolinisme vis-à-vis du péplum. Le premier, c'était la donnée érotique, qui, dans les films muets, pour l'époque, compte tenu des conventions de l'époque, etc., de la manière dont les femmes sont habillées, qui est ridicule, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Bon, c'est du 1900, mais le caractère hystérique des sentiments est très très marqué. Bon, il y a toujours des allusions aussi à des orgies mystérieuses, on ne les voit pas, ou à peine, mais enfin bon, c'est une prégnance du péplum première manière, du péplum muet. D'autre part, le personnage même de Machiste, qui a été au centre de l'exploitation commerciale du péplum vers la fin du muet, le personnage même de Machiste, c'est celui d'un redresseur de tort, mais d'un redresseur de tort parfaitement individualiste, qui n'obéit pas du tout à un édit de l'État ou à une chose de ce genre, c'est pas une loi sociale à proprement parler, il met simplement sa force physique au service des faibles. Ce qui, évidemment, par rapport en face d'une dictature, est toujours ambigu. On ne peut pas absolument assumer ça et en même temps dire que tout va pour le mieux. Il y a un élément pessimiste dans le péplum de ce temps-là. Il faut que Machiste intervienne pour que les choses aillent bien. Or, tout le cinéma mussolinien était poussé, n'est-ce pas, vers l'idée qu'il fallait prouver aux gens qu'en Italie, tout s'arrangeait à peu près. Hein. Mais dès qu'on était dans l'ordre du fantastique, de la mythologie, il était fatal que le bien ne triomphe qu'après une certaine lutte contre le mal. Et dans l'Italie de Mussolini, le mal n'existe pas. Donc il est difficile que Machiste lutte contre le mal. Claude-Michel Cluny, critique littéraire et critique de cinéma. Donc il y a une extraordinaire recherche dans les moyens, dans tout cela. Ce n'est pas du tout simplement un décalque de la mise en scène de théâtre. On essaie de donner au cinéma les moyens qui doivent être les siens. C'est un art dont on pressent qu'il est autre chose que la représentation scénique, qu'il va se développer d'une manière différente. On commence à concevoir que le comédien ne doit plus être nécessairement un comédien de théâtre, puisque le héros, n'est-ce pas, Machiste, n'est pas du tout un comédien traditionnel. Donc tout ça, c'est aussi une marmite dans laquelle les éléments, les ingrédients de l'art cinématographique commencent à se mêler, à cuire ensemble, et ce n'est pas négligeable, parce que le besoin de grands moyens du péplum pour répondre à l'attente du public, il fallait à chaque fois une production qui soit plus brillante que la précédente, donc qui coûte plus cher, ce qui aussi crée des faillites catastrophiques. Mais tout cela fait que il y a une perpétuelle remise en cause du spectacle cinématographique, et tout ça nous amène petit à petit davantage vers ce que doit être le cinéma, maître de ses moyens et en découvrant de nouveaux. Ça n'est pas rien. Jean Gilly. Alors au début des années 20, le cinéma italien entre en crise pour diverses raisons, déjà la concurrence américaine, et essaie de résister par le maintien du filon péplum. Cela dit, dans une période de crise, il est de plus en plus difficile de réunir les sommes considérables que demande le genre. Et on voit alors le genre de péricliter en tant que production de masse et se limiter à quelques films très peu nombreux qui sont réalisés dans les années 20, qui sont encore des films d'une très belle facture. Mais le dernier en date, c'est un film de 1926 qui s'appelle « Les derniers jours de Pompéi », énième version des derniers jours de Pompéi, est mis en chantier par un metteur en scène qui s'appelle Amleto Palermi, et le film est tellement coûteux qu'au bout d'un certain nombre de semaines de tournage, on est obligé de s'interrompre parce qu'on n'a plus d'argent. Finalement, le film sera terminé, il aura coûté des sommes considérables, il fait plus de 4000 mètres, donc vraiment la super production, avec notamment une reconstitution absolument splendide. Ça, il faut bien reconnaître que même du point de vue des trucages et de la manière dont la chose est réalisée, c'est un film qui tient très bien le coup, même quand on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire tous les trucages qui accompagnent la catastrophe finale, qui est un peu le clou. Les spectateurs sont venus là pour voir ça, c'est-à-dire la destruction de Pompéi par l'irruption du Vésuve. Et c'est une scène spectaculaire tout à fait étonnante. Le film, malgré tout, ne rencontrera pas les faveurs du public, et on a un peu l'impression que, malgré les efforts qui ont été faits pour accentuer encore les effets spectaculaires, eh bien, le public est un peu là, d'un genre dont il a l'impression que finalement il ne se renouvelle pas. Et en fonction de l'augmentation de des coûts, en fonction de certaines lassitudes du public, la production s'arrête. Le cinéma italien, d'ailleurs, vers la fin des années 20, est tombé à quelques unités par an. En 1929, il se fait moins d'une dizaine de films. Donc, pratiquement, la production italienne disparaît. Au début des années 30, sous l'impulsion du fascisme, va petit à petit redémarrer. Et le fascisme va être très prudent, d'abord parce qu'il n'a pas les moyens de soutenir des films très coûteux, va être très prudent dans l'aide à des films du type Peplum qui seraient forcément des films coûteux. Et finalement, il ne va soutenir qu'une seule production, un film clairement de propagande, qui est en 1937, Scipion l'Africain, qui est un film là qui se veut un film extrêmement respectueux du passé, qui met en scène Scipion, qui met en scène Hannibal, alors avec effectivement de très grandes scènes, et là aussi le budget a été largement dépassé par rapport aux prévisions initiales, mais aussi des discours de Scipion très empesés, voulant représenter dans sa manière de parler les discours de Mussolini. Là, l'allusion était explicite, elle était clairement recherchée. Le film était d'ailleurs une production d'État. Ce n'était même pas une production privée, c'était par l'intermédiaire d'un organisme qui appartenait à l'État que le film fut produit. Malgré un très gros effort de lancement, malgré la présentation en 1937 au Festival de Venise et la remise d'un prix, malgré des articles extrêmement élogieux de la part d'une presse qui, facilement, on peut imaginer, était facilement aux ordres, le film fut encore un demi-échec. Et dans le fond, le film confirme que le péplum, s'il est trop fortement parcouru d'idéologie, et s'il n'est peut-être pas complètement un pur spectacle de divertissement, n'a plus guère les faveurs du public. Notre épisode était intitulé « Le péplum, grandeur et décadence », une réalisation de David Golan. Demain, la suite, avec une autre évocation de la société romaine, nous serons en compagnie d'Éric Dars, enseignant en histoire, pour évoquer le statut des esclaves, mais également leur révolte. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la collaboration de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.